Je vais vous dire peut-être quelques mots préliminaires sur la PMF. J'imagine que vous connaissez tous la PMF, mais si éventuellement il y en a qui ne connaissent pas, juste vous préciser que c'est une association, alors ça peut paraître un peu étrange, mais une association qui a, on peut qualifier de réformiste, hein, c'est-à-dire qui n'a pas un discours, qui n'est pas contre l'élevage dans le principe, et qui milite pour l'amélioration des conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux, et qui milite pour qui promeut une vision de l'agriculture dans laquelle les besoins des animaux, les contraintes des éleveurs et les attentes des consommateurs sont idéalement conciliées. Le département éducation que je vais vous présenter, c'est un département qui est tout jeune. L'association existe depuis une douzaine d'années, elle a été créée en 1994. Et donc elle a décidé de monter un département éducation qui a débuté en janvier. Donc votre regard sur ce travail sera d'autant plus précieux que c'est encore un peu en gestation. Enfin, il est encore temps d'affiner tout un tas de choses, même s'il y a des choses qui ont déjà vu le jour. Et l'objectif de ce département éducation, c'est de proposer pour le monde enseignant des ressources, des vidéos, des textes, des documents, tout un tas de ressources pédagogiques à utiliser en classe autour de la question des animaux dans les pratiques agricoles. Et il est aussi question de faire des interventions dans les écoles. Il y en a déjà eu deux, enfin c'est pas beaucoup depuis le mois de janvier, mais moi j'ai une expérience de ça qui est très petite pour le moment. Hein. On a juste fait une intervention avec des élèves de 8-9 ans et aussi une intervention dans un lycée agricole au mois d'avril dernier. L'idée, c'est un peu de jouer le jeu de l'institution éducation nationale et d'essayer d'être en maximum en phase avec les programmes scolaires, dans la mesure où, pour un enseignant, faire venir dans son école un intervenant extérieur n'a de sens que si ça nous permet d'illustrer un aspect du programme. Donc, le premier travail a consisté à faire une sorte d'inventaire des éléments des programmes dans toutes les disciplines, en biologie, en géographie, en éducation civique, en langue étrangère, en philosophie, pour voir où est-ce qu'il y avait des entrées possibles pour aller aborder la question des animaux, en attendant que cette question-là, idéalement, soit intégrée dans les programmes eux-mêmes. C'est une des questions qu'on va poser au candidat à la présidentielle, par exemple, dans le cadre d'une opération qu'on est en train de monter, que la PMF est en train de monter pour savoir quelle est la position des différents candidats relativement à la question des animaux, et leur position sera affichée sur un site internet qui sera spécialement dédié à la position des candidats à la présidentielle sur la question des animaux, du bien-être animal en général, etc. Même si nous, la PMF, on est restreint à la question des animaux d'élevage. Et il y a donc tout un tas d'entrées possibles. Alors elles ne sont pas forcément directes, frontales, c'est parfois un petit peu de biais. Il y a tout un tas de moyens d'aborder la question des animaux en classe, de la maternelle jusqu'au lycée, voire même au-delà, dans le lycée agricole, ça paraît évident. Et donc la première étape a consisté à créer un site internet qui se veut une sorte de centre de ressources virtuelles, dans la mesure où la PMF est basée à Metz, donc elle peut très peu se déplacer dans l'Hexagone pour des interventions en classe. Donc on privilégie pour l'instant un centre de ressources virtuelles sur la question des animaux d'élevage, avec tout un tas de documents librement téléchargeables. Alors, vous connaissez peut-être le site, il est en ligne depuis le mois d'avril à peu près. L'image est pas très belle, mais il y a un fond gris. Ce que j'ai envie de vous proposer un peu, c'est peut-être de passer un peu dans les différentes sections et voir un peu les uns après les autres les différents outils qu'on propose, pourquoi on les propose, à quel niveau ça va se passer, comment est-ce qu'ils fonctionne et quelles questions il permet de poser. Il y a des sections dans lesquelles il y a des films qui peuvent durer des films qui durent une vingtaine de minutes, parfois une demi-heure. Je ne sais pas trop comment on va procéder, si on prend du temps pour les regarder après, ou si on regarde le début. Donc vous voyez qu'il y a en fait quatre grandes sections, une section pour les niveaux primaires, une section pour les collèges, une section pour les lycées et une section spécifique pour les lycées agricoles. Donc c'est dans ces sections-là qu'on trouve les différentes ressources. Il y a aussi une section bibliographie documents, je vais vous montrer ça tout de suite, dans laquelle une section qui est divisée en trois parties, une partie avec les ressources propres de la PMAF, c'est-à-dire tous les documents, les dossiers que la PMAF produit sur les différents problèmes de bien-être qu'on peut trouver, auxquels on peut confronter dans les différentes filières. Donc il y a une brochure sur les élevages industriels, par exemple, une brochure sur les effets néfastes de l'élevage industriel et les relations, le frein que peuvent constituer les règles de l'OMC en termes d'implémentation sur le bien-être animal et en termes de mesures protectionnistes. Il y a un dossier sur la sensibilité des animaux. La plupart de ces dossiers, en fait, sont des traductions en français de dossiers qui sont édités par le siège international de la PMAF, c'est Compassion et World Farming. Eux, ils ont un département éducation depuis déjà une dizaine d'années, donc il y a beaucoup de ressources qui étaient déjà un peu clés en main, qu'il a fallu adapter un petit peu au public français, mais en tout cas qui a constitué une base de travail. Le dossier sur le bien-être des poulets, et puis évidemment les vidéos, quelques-unes, la vidéo sur les élevages intensifs de poulets, vivre vite ou bien jeune. Le génie génétique des animaux de ferme, ça c'est une autre vidéo. Je ne suis pas sûr qu'on va vraiment l'utiliser, ça ne correspond pas à grand chose en tout cas en termes de programme scolaire. Il y a une autre section qui présente une sorte d'inventaire d'ouvrages, de vidéos relatifs à la question des animaux, publié par le Centre National de Documentation Pédagogique, qui est un centre de ressources qui est très utilisé par les enseignants. Donc là, c'est juste une espèce de fil, si vous voulez, qui permet de sélectionner dans cette grande base de données les ressources qui ont un rapport avec la question animale. Donc on les a classées par discipline, sciences de la vie et de la terre, c'est ce qu'on appelait autrefois, enfin quand moi j'étais au lycée, en tout cas biologie, donc ISBT, sciences de la vie et de la terre. En français, une section géographie et EEDD, c'est éducation environnement en développement durable, une nouvelle discipline, enfin, en tout cas un nouvel élément des programmes qui est traité par les professeurs de géographie, de même que l'éducation civique est traitée par les professeurs de géographie. C'est dans cette partie-là qu'on trouve tous les aspects sur le développement durable, le commerce équitable, par exemple. Et puis, section, l'éducation civique, philosophie. Il y a deux cahiers qui sont parus en 2004, qui sont vraiment intéressants, qui commencent à amorcer un peu une réflexion sur le statut de l'animal, en tout cas, qui ouvre des portes et qui mentionne clairement les philosophes anglo-saxons, Singer, Regan, pour les professeurs de philosophie. On va avoir une section aussi donc sur le site, je vous en parlerai après, dédiée à l'enseignement de la philosophie sur la question de l'éducation musicale aussi. Mettre en scène des animaux, c'est plutôt pour les petits niveaux, le premier, le tiers, le deuxième, pas grand chose. le dossier sur la place des animaux dans la nature. Puis il y a une troisième section qui est les ouvrages spécialisés, qui est plutôt destiné aux élèves d'école vétérinaire par exemple, ou aux élèves de lycée agricole. Donc là c'est tous les bouquins dont les familles ouvrent. Les animaux d'élevage antiquaires, par exemple, de Florence Burga et Miser, l'animal dans les pratiques de consommation, le manger avec l'animal, question d'élevage et de consommation, entre l'homme et l'animal, une nouvelle alliance, le sexe, le droit de l'animal. Bon voilà, c'est plutôt une section où on peut trouver des documents relatifs à la question de l'évolution de l'opinion et des pratiques qui prennent en compte de plus en plus la notion d'élève animal. Quelques ouvrages en anglais également. Le bouquin qui vient de sortir là, sur les actes du colloque de la conférence sur la sentience qui a eu lieu à Londres en 2005, organisé par CIVWF. Voilà pour la section documents. Ensuite, il y a donc, dans la section primaire, il y a deux parties. Une qui présente un conte qui a été écrit. Enfin, qui n'a pas été écrit pour le département d'éducation, mais qui a été écrit l'année dernière par Justin Giboulot, le directeur de la PMAF, dans le cadre d'un projet de. Vous savez peut-être que la PMAF a un projet de ferme refuge, enfin de créer une ferme des animaux. Elle a monté un gros dossier pour ça. Et dans ce dossier, il y a une sorte d'histoire pour les enfants qui raconte comment cette ferme a été créée. Donc c'est une fiction qui met en scène. Une pie qui s'appelle Lopita qui découvre la réalité de l'élevage industriel dans une ferme près de chez elle. Donc elle rencontre des cochons qui vivent sur Peabody en élevage intensif, des poules de batterie, donc elle découvre la vie, des dindes également, des canards, et elle décide d'en parler à un ami. À elle, Jonathan, et ensemble ils décident de faire quelque chose. Et ils vont commencer à organiser une sorte de résistance avec tous les animaux qui vont se mobiliser pour essayer de remédier à leur situation. Donc il y a un animal par groupe d'animaux qui va être élu comme porte-parole, et ensemble ils vont décider d'aller voir leur éleveur. Et ensemble, ils vont décider de vendre la ferme à une association de protection des animaux qui donc en fera un refuge. Donc ça, c'est une histoire qu'on a enregistrée dans une version audio qui fait maintenant l'objet d'un CD et qui peut être écouté en classe. Je vais peut-être vous faire écouter le début. Et qui était aussi téléchargeable depuis le site. Sans lit douillet Et avec quoi jouez-vous si vous n'avez pas de pain, hein? On n'a rien pour jouer. Mais que votre vie est triste. Comment pouvez-vous tolérer d'être ainsi traité? Là-bas, dans la ferme d'à côté, les cochons vont dehors et ils ont de la paille. Cesse donc de raconter des sornettes. Un bon cochon est un cochon qui grossit bien et vite, et qui ne s'embarrasse pas de tels détails. S'écria le cochon Freddy. Va donc plutôt raconter tes sornettes, tes copines des boules. Lolita, une pie très bavarde, décida donc d'aller dans le bâtiment des poules. Lorsque Lolita, la pie, entra dans le bâtiment des poules, elle n'en revint pas. Les poules se trouvaient dans des petites cages superposées, les unes par... Vous voulez mettre un dentier? Non. C'est 20 minutes quand même. Hein, ça. Ouais. Bon, en tout cas, il y a... Donc, il gardera pour ce soir, pour s'endormir, ce sera mieux. Moi, je veux de la paille, moi. Je veux de la paille pour dormir, c'est une idée. Alors ensuite, il y a des activités qui sont associées au compte, et des prolongements pédagogiques pour l'enseignant pour qu'il puisse travailler ensuite et exploiter ce compte dans différents domaines, en rédaction, en analyse de texte, en lecture, en SVT, en éducation musicale aussi, des versions noir et blanc des différentes images du compte. Alors c'est un... J'ai eu l'occasion de le tester avec des 8-9 ans, en fin d'intervention. C'était une intervention qui présentait, enfin qui faisait un peu un panorama des différents types d'élevage industriel. Le compte fonctionne très très bien comme une sorte de récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir en termes d'élevage. Là c'était des 8-9 ans, ils étaient assis par terre et ça faisait 3 heures qu'ils étaient là. J'étais vraiment halluciné de les voir. Ils sont restés avec la bouche ouverte devant l'écran, surtout qu'ils ne passent pas. Peut-être rien. Puisque tout est sonore. Et dès que vous abordez, enfin, dès qu'on aborde la question des animaux, il y a une espèce d'écoute qui est incroyable. Il y a les mains qui se lèvent tout le temps, enfin, c'est très difficile de parler, ils ont tous des dizaines d'histoires à raconter sur un escargot qu'ils ont rencontré un jour, sur moi, ma maman, mon hamster, il était malade, on a été chez le vétérinaire, etc. Et il y a vraiment une espèce d'empathie, enfin, vraiment ils sont complètement en phase. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'ils étaient peut-être beaucoup moins choqués par la réalité de l'élevage industriel tel qu'on a pu leur montrer que les adultes qui étaient avec eux, les enseignants et les animateurs, qui là ont pris véritablement une baffe. Et ce qui est vraiment très, très étonnant aussi, c'est qu'ils sont très très positifs. Donc, moi par exemple, j'ai tendance à me sentir souvent assez déprimé, j'ai tendance à baisser les bras parce que j'ai l'impression que c'est une tâche immense. Alors que eux, ils ont pas la vision d'ensemble, ils voient un cas particulier, ils ont l'impression qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut les aider, que c'est bon, on y va, on se lève et on y va, on va les aider. C'est assez surprenant aussi quand on discute avec eux en préalable pour faire un tour un peu d'horizon de leur représentation des animaux de ferme, c'est qu'ils n'ont pas tellement conscience de la raison pour laquelle on les élève. Bien, lorsqu'on leur demande pourquoi est-ce qu'on a des animaux, qu'est-ce qu'ils font là, la réponse c'est pour les nourrir ou c'est pour avoir des compagnons. Mais à aucun moment la réponse vient que c'est pour les manger. Ils ont un peu cette idée que qu'on vit avec les animaux parce que c'est agréable de vivre avec les animaux. Parce que, et puis quand ils sont vieux, ben, ils meurent et puis bon, ben, ils sont morts, on les mange. Là, il y a cette section pour les petits niveaux. Pour les niveaux un peu plus grands, ce qu'on appelle le cycle 3, les CE2, CM1, CM2, au programme des, la classification phylogénétique des espèces. Donc il y a une section aussi plus ou moins clé en main pour aborder ça en classe, sur la base d'animaux de ferme. Alors c'est en plusieurs séquences. Il y a une première séquence qui commence avec une sorte de jeu des sept familles, qui fait un peu un tour d'horizon des différents types d'animaux qu'on trouve sur une ferme. Donc là, l'idée, c'est de faire émerger chez les élèves leur représentation et faire un peu, pour évaluer un peu l'état de leur connaissance sur les animaux qu'on trouve sur une ferme. Alors le principe, c'est très simple, hein, c'est un jeu de cette famille. Il y a 6 cartes dans chaque famille avec, vous voyez, le petit logo en bas qui s'allume à chaque fois. Donc il y a le papa, la maman, le jeune. Le couteau et la fourchette, c'est un symbole un peu ambigu, je m'en suis aperçu un peu plus tard, un peu trop tard. En fait, ça correspond à ce que l'animal mange. Où est-ce qu'il habite ? Sa maison et le cri qu'il fait. Là, l'idée, c'est que donc ils sont en groupe, ils jouent cette famille. Dès qu'il y a quelqu'un qui a trouvé une famille, il lève la main, on arrête tout et on inscrit au tableau. Enfin, on considère qu'ils ont un point lorsqu'ils réussissent à donner un nom à chacune des cartes. Ensuite, sur la base du tableau qu'on a dressé, on commence à observer les différentes caractéristiques des animaux et à les classer par rapport à des critères, donc le nombre de pattes, les yeux, etc. Et donc là, on aborde, je ne rentre pas dans les détails, mais on aborde les critères de la classification, les ordres, etc., les différents insectes. Ce qui nous permet d'aborder ensuite la notion d'évolution. C'est intéressant, notamment dans le cadre des animaux de fer, dans la mesure où ils ont tous quasiment un ancêtre sauvage. C'est la poule et le coq Bankiva, par exemple, pour les volailles. C'est le sanglier pour le cochon. Et ensuite, on aborde la question des animaux en tant qu'êtres sensibles. Donc les animaux ont une vie corporelle, santé, nourriture, respiration, espace, une vie émotionnelle, joie, sécurité, peur, tristesse, une vie intellectuelle, jouer, apprendre, explorer, une vie sociale, couple, famille, groupe, ce qui pour les enfants va complètement de soi, c'est même pas la peine de le dire. Vraiment pour eux, c'est absolument évident. Donc vous le dites pour les profs, hein. Ben, un petit peu, ouais. C'est-à-dire que c'est un peu des... On peut poser des questions ou on a posé là? Quoi, tu veux dire là maintenant? Oui, ouais, bien sûr. Quand les profs, en fait, ils apprennent, ils connaissent ça beaucoup mieux que nous, puisque tu dis que c'est surtout l'instinct qui était enseignant, qui était un peu scotché, ils se dégagent, ils connaissent pas. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, ils nous font confiance. Alors c'était pas l'enseignant directement. Là c'était la seule intervention que j'ai faite pour le groupe, c'était dans un centre de loisirs, c'est pas tout à fait dans un cadre scolaire. C'était des enfants entre 8 et 11 ans, mais c'est surtout des 19 ans. Et c'était à la demande de la directrice du centre de loisirs qui est végétarienne, qui est donc de la PNF. Par contre, elle était avec une équipe, il y avait 5-6 animateurs qui étaient avec elle, et qui eux un peu découvert le truc. À ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction violente des parents en disant ce que j'ai été comme connerie dans la tête de mes enfants? Oui, alors ça c'est un peu la grosse brouille. C'est pas arrivé à ce moment-là, mais c'est pas exclu que ça arrive, effectivement. Après, je pense que c'est effectivement un risque. C'est effectivement un risque. En même temps, je pense que nous, on ne peut pas être attaquable dans la mesure où on n'a pas un discours qui est prosélyte. C'est même pas la peine de l'avoir, suffit juste un discours qui cherche à convaincre et qui cherche à promouvoir un type d'attitude ou un type d'idéologie, c'est tellement implicite, c'est tellement pas nécessaire. C'est tellement suffisant juste d'ouvrir une fenêtre sur l'élevage industriel, de montrer des photos de couleur cage, qu'il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Donc, les parents sont d'accord, en fait, avec ce. Enfin, la plupart des gens sont contre ça revient sur la conversation d'hier, en fait, les gens, ils sont d'accord. Maintenant, pour leurs habitudes d'achat, c'est autre chose, mais en fait, ils sont d'accord. Donc là, avec les gens qui sont présentés, ça va dans ce sens-là d'être contre l'élevage industriel. Mais le truc, c'est que c'est en lui-même. Si t'as un gamin qui rentre à la maison et qui dit non, je veux pas manger, c'est des animaux, etc., je pense que le parent est plus énervé. Oui, mais ça, c'est effectivement une éventualité. Je pense qu'un jour ou l'autre, on finira par être confronté à ce cas-là. Il faut surtout les enseignants qui vont prendre. Oui. même si, après, le credo de la PMAF, c'est-à-dire le credo derrière lequel on va s'abriter, c'est que. Le credo de la PMAF, c'est de dire ok, c'est ok de tuer des animaux pour les manger, il ne faut pas qu'ils souffrent. Mais la plupart des gens sont d'accord avec ça. Je pense même que parmi les gens qui sont d'accord avec ça, il y en a même une grande partie qui sont persuadés que c'est comme ça que ça se passe, que les animaux ne souffrent pas. L'année dernière, on avait fait une après-midi avec une colonie de vacances, avec des gamins. Et il y a donc un gars des étudiants qui a présenté son animal aux gamins pendant plusieurs heures. Ouais, au départ c'est parti des sources, il a projeté un film sur les sources, après ça rayonnait. Enfin, il disait même que manger des animaux c'est un crime, enfin, des trucs comme ça. Et moi j'ai téléphoné à l'éduc qui les accompagnait, peut-être deux mois plus tard, pour savoir si elle avait eu des retours. Elle disait que non, elle n'avait eu aucun retour de parents. Ouais. Qu'il n'y avait pas eu de problème. Alors que ça avait été un truc bien un carton quand même. Oui, c'est vrai. Plus carton que la vraie. Alors qu'au départ, la présentation qui a été faite au gamin n'était pas agressive, c'était une présentation qu'on avait fait exprès de quelque chose de. C'était pas un film sur le bas. Ouais, ouais. Et puis c'était dans le cadre du débat, après ça commençait à émerger. Mais la question des animaux. Pensaient qu'on était intrigués. Alors on leur présentait des choses qui m'emballaient dans le prêt. Ils savaient simplement qu'on était végétalement. Ils voyaient des choses dans les communautés et Guy qui parlait de nature. Et la première réaction de ça, on m'a frappé, le gamin, vous pensez qu'on était intrigués. Alors qu'on parlait pas de ça. Ouais. Il avait 14 ans, c'est ça? Il avait quel âge? Entre 12 et 14 ans. Ouais. 12 ans, mais je dirais que c'est un peu le jeu du jeu. Hein. Enfin, je dis ça parce que je sais que ça n'enregistre pas. Là, pour moi, c'est là, ces enfants-là, on leur avait demandé en fait d'amener des emballages de produits animaux pour qu'on puisse un peu évaluer différents types de produits animaux, différents types de. Enfin, quel type d'emballage correspondait à tel type de production et à tel type d'élevage. Et ils ont amené que des boîtes d'œufs. Pas un emballage de viande, pas une bouteille de lait, que des boîtes d'œufs. On a travaillé uniquement sur les boîtes d'œufs. Ce qui est peut-être un créneau assez facile. Enfin, donc le côté poule en cage contre poule en plein air, c'est un truc où enfin, je pense qu'il y a 100% d'adhésion. Quoi, aussi. Et aussi, j'ai... Comment dire, on évite aussi de mettre en accusation l'élevage, ou en tout cas les éleveurs, qui souvent, j'ai l'impression, sont embarqués dans des systèmes d'élevage intensifs, pas forcément de leur plein gré. Ils sont amenés à faire des choses qui ne correspondent pas tellement aux raisons pour lesquelles ils ont choisi de faire ce métier. Donc on parle plutôt du point de vue des animaux. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a une espèce de logo avec un cochon qui est une sorte de smiley, où le cochon sourit. Et il y a aussi un smiley où le cochon il n'est pas content. Alors on dit, quand il sourit, on dit c'est glop, et quand il n'est pas content, c'est pas glop. Vous vous souvenez de Pifou, là? Alors, ces enfants-là, le lendemain, sont allés dans une ferme pédagogique. Et ils ont trouvé ça, ils ont trouvé qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas glop. Pas glop. C'est à peu près le seul retour que j'ai eu, si ce n'est aussi que les animateurs qui avaient assisté au truc sont précipités sur le site de la PMF le soir même. Et que donc les enfants sont allés voir cette ferme, c'était en Alsace, c'est à Aubernay, une ferme pédagogique. Alors je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais ils ont remarqué que les animaux n'avaient pas de... Ils avaient un terrain qui était ouvert, mais il n'y avait pas d'arbres, donc ils ne pouvaient pas se mettre à l'eau, et ça c'était pas glauque. Enfin, il y avait tout un tas de trucs qui n'étaient pas glauques pour les animaux. Moi, je trouve qu'il y a un truc important, en fait, dans le travail de l'éducation, quand je suis pas dans les écoles. Enfin, Yves, tu disais à un moment que les enfants disaient, étaient d'accord avec ça en gros. Et je crois que, habituellement, les adultes qui sont avec eux n'ont pas ce discours-là. Et là, de voir un adulte qui dit, ben oui, les animaux, ils ont une vie émotionnelle, c'est très important pour eux de voir qu'ils... Enfin, la séparation enfant-adulte est aussi là-dessus, sur le fait de sentir la sensibilité des autres. Quoi. Ouais. Après, quand t'es adulte, t'as plus de sensibilité, ou pas beaucoup. Et le fait que quelqu'un d'officiel qui vient dans l'école et qui parle de ça, c'est très important. Quoi. Ouais. Et j'ai l'impression aussi que ça valide leur propre penchant, la propre solidarité qu'eux éprouvent envers les animaux. Et envers ce qu'ils subissent. Par exemple, c'est un. Peut-être on va passer directement à la section suivante. Je vais vous montrer un peu, peut-être, le PowerPoint que j'aurais préparé. Donc, ça commence en fait par une. Ça commence par une présentation de l'action de la PMF. Ah, ça c'est important, c'est un truc que peut-être la PMF n'exploite pas suffisamment. Le fait que c'est une association de protection animale, peut-être la seule, qui soit fondée, enfin, qui est spécialisée dans la protection des animaux d'élevage, qui a été fondée non pas par un opposant à l'élevage, mais par un éleveur. Ça, c'est Peter Roberts, qui est le fondateur de CIBVF. C'est quelque chose d'important à mentionner quand on va dans les lycées agricoles, par exemple, de démontrer que voilà, c'est une contestation qui vient de l'intérieur, du monde même de l'élevage. Après, on a dit qu'on fait des formations avec les gendarmes sur les transports, et ça contribue aussi donc à aider les enfants à s'approprier le discours de la... Enfin, le discours pro-animaux comme un discours qui n'est pas marginal, comme un discours qui est accepté dans la société. Ils sont attentifs. Ils sont vraiment centrés. Là, c'est au moment où on leur montre un film sur les transports d'animaux. C'est un film un peu où il y a des scènes un peu difficiles. Et avec Sébastien, on remarque que souvent ils sont très très sensibles. Quoi. C'est les gros gars avec les moustaches et tout. Et ils ont une espèce de d'allergie à l'injustice, quoi. Vraiment, une sorte de. Enfin, je ressens ça. Ils ont quand même le pouvoir de faire quelque chose sur la route. ça doit les aider. Ouais, mais je sais pas si c'est une question de pouvoir. C'est vraiment, je pense que ça réveille en eux des vieilles choses qui sont de l'ordre des raisons pour lesquelles ils ont choisi ce métier. Et aussi le fait que la protection des animaux soit inscrite dans la loi. Le fait que quand les enfants comprennent que faire mal à un animal, c'est interdit dans la loi. Et qu'il y a les gendarmes qui veillent à ce que personne ne fasse de mal aux animaux. Ça, c'est super important. Ça institutionnalise vraiment la protection animale et le discours que nous, on peut avoir. Voilà, Ah oui, après on a fait une sorte de petit tour d'horizon des expressions avec les animaux de ferme. Ah, comme ça. Donc ça c'est très participatif. Hein, c'est... J'ai pas entendu complètement ces histoires. Et puis on réfléchit un peu sur cette définition. Bête, tout animal autonome, animal, bête, sans intelligence, sauf. Et ensuite, ils ont une séquence qui, avec des extraits vidéo qui montrent des expériences sur les capacités cognitives des animaux. Alors, le but du jeu pour eux, c'est de comprendre ce qui se passe à l'écran. On en parle après, donc je leur montre les trucs sans commentaire, il faut qu'ils devinent ce qui se passe. Assez étrange où on vient prouver à des enfants de 8-9 ans des trucs dont ils sont enfin sur lesquels il n'y a aucune discussion possible quoi. La force du lien maternel entre une brebis et son agneau, son inquiétude quand elle l'a plus dans son champ de vision, le fait qu'elle va passer toute son énergie à le chercher, à l'appeler, à essayer de sentir, à s'approcher du grillage pour voir s'il n'est pas dans le pré voisin, qu'il y a une autre brebis qui va sentir ses appels de détresse et qui va aller la voir pour lui demander bah, qu'est-ce qui ne va pas ou la réconforter. Tout ça, c'est de l'évidence. Dès que le film s'arrête, les mains se lèvent et tout ça. Et ils ont tout décrypté, mais sans problème. Voilà. Qui travaille à l'Imra plus tard. Ça, c'est mon préféré. Alors, ça, c'est, ce sont des animaux qui... certaines cultures qui disent que effectivement c'est impur, c'est sale, c'est qu'il n'y a pas besoin de culture religieuse ou pas. Enfin, nous aussi, je pense que la plupart des gens pensent qu'un cochon, c'est sale, c'est... Ce qui est faux, quoi. Mais, enfin, je veux dire... Je crois aussi que c'est le cochon, c'est le seul animal qui nous ressemble autant. Ça, il n'y a pas de poils, quasi pas. Il y a des poils, mais comme nous, même nous. Et en fait, on peut détester ce qui nous ressemble. Mmh. C'est cette culture sur la sexualité, le cochon, ça peut être cochon. Moi, ce que je trouve intéressant dans un travail de la map par rapport à ce genre d'expérience qu'ils vont faire, après, évidemment, c'est que ça vient d'être des fois, il y a la question de la hiérarchie entre les animaux. J'ai une expérience qui parle sur ces grands singes, et en ce moment, on a plein de trucs sur les grands singes entre jeunes et tout. Je trouve que ce genre d'expérience vient presque un peu cette histoire de système hiérarchique à l'intérieur même des espèces animales où il y aurait des animaux qui ont plus de valeur que d'autres. Moi, je trouve ça intéressant en termes spécifiques, en termes de... Et donc là, tu l'as remarqué, on n'a pas encore abordé les élevages. Là, on parle des animaux comme s'ils vivaient avec nous. Dans les... Qui est une sorte de faisan, quoi, hein, qui est un animal forestier. coup soit un animal forestier qui a besoin d'un couvert, qui se perche dans les arbres la nuit pour être à l'abri des prédateurs, qui a besoin de se percher pour se sentir en sécurité, qui a besoin aussi d'avoir un endroit dissimulé des prédateurs pour faire son nid et y pondre. Un besoin qui est encore extrêmement vivace chez les poules pondeuses en cage. Elles sont extrêmement actives, elles donnent, je crois que ça, c'est de l'ordre de 15 000 coups de bec par jour, je crois. Que donner. Alors ça c'est. Alors là, c'est une ferme, voilà. Donc, ils ont cette image traditionnelle des fermes qu'on trouve dans tous les livres d'enfants. Et on commence doucement à glisser vers la réalité, montrer que les fermes d'aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça. Et que 80% des œufs qu'on achète ne viennent pas de poules qui sont élevées dans les conditions qu'on vient de voir, mais plutôt dans ce type d'élevage. Et après, une fois le choc un peu passé, on fait avec les élèves un inventaire de tout leur comportement entre guillemets naturel, ou en tout cas de tous leurs besoins, la liste de tous leurs besoins qui se trouvent frustrés dans ce type d'élevage. Tout ce qu'elles faisaient à l'extérieur qu'elles ne peuvent pas faire. Ensuite, sur la base des emballages qu'ils ont emmenés, on apprécie la subtilité des emballages de poules élevées en batterie, qui en général fonctionnent sur une imagerie qui évoque la ferme traditionnelle, enfin les images champêtres avec de la paille, avec des pains, la paille. Il y a très peu de différence entre les boîtes d'œufs, et si on est un peu vigilant, eh bien, ça fait une différence énorme pour les animaux qu'on utilise pour ces produits. Ça leur change la vie. Alors, ces enfants-là, ils sont devenus assez rapidement imbattables dans le décryptage des boîtes d'œufs. Même quand c'est écrit poule élevée en cage, en dessous, en tout petit, en 2 secondes, ils le choquent. Ils ont vite compris que quand il n'y avait pas de poule en plein air sur l'emballage, ça avait beau être avec de la paille, avec des clochers de couleur verte, ça avoir un côté frais, devait y avoir écrit poule, œuf de poule élevé en cage, quelque part. Donc ça c'est le petit smiley, vous voyez, la globe. Après on parle du débécage, des problèmes de piquage, vous souvenez 15 000 coups de bec par jour, qu'est-ce que ça donne quand il y a 4 poules qui sont dans une cage pendant toute leur vie. Comment ils réagissent à ces images? Là ils sont la bouche ouverte, c'est dégueulasse. Les couleurs, donc. Pardon? C'est pas eux qui achètent leur nourriture. Ils sont pas, enfin, ils se sentent pas en accusation. Quoi. Ils sont pas complices de ce qu'ils font. Ils arrivent, ils débarquent et c'est dégueulasse. Quoi. On ne savait pas, c'est dégueulasse. Bon, je passe rapidement sur le besoin du coup. Prendre la main poussée, etc. Sans se nettoyer, explorer le sol, gratter pour recycler les loups. Vous connaissez le problème des ongles qui peuvent s'il n'y a pas de matière abrasive dans les cages en général, qui finissent par être coincées sur les grillages parce qu'il y a des ongles qui poussent et qu'il n'y a pas d'usure. Le piquage, faire des plumes. qui sont pas les conditions dans lesquelles ils pondraient, c'est-à-dire que en fait elles se retiennent de pondre, ce qui est déjà une cause de douleur et d'inconfort permanent. Elles finissent par lâcher l'œuf, elles sont obligées, mais elles sont dans une espèce de retenue constante de l'œuf. Et ensuite on enchaîne sur alors ça c'est un exemple. De batterie qui a été libérée et on voit que malgré les mois passés dans son cage, elle conserve ce besoin non seulement d'avoir un nid mais de le construire elle-même. Alors comment est-ce qu'on peut mesurer la force de ce besoin chez la poule? Par ce type d'expérience par exemple. On a construit pour une pour des poules un parcours du combattant. Alors cette porte s'ouvre que si on appuie sur le bouton, donc elle passe sur un cache droit. Il faut qu'elle tire trois fois ce machin pour que ça débloque la porte. D'expérience qu'on fait pour mesurer le côté impérieux d'un besoin, c'est-à-dire si elle est prête à faire autant de sacrifices de mémorisation physique, autant d'efforts, c'est que ça doit correspondre à un besoin qui est extrêmement puissant. Il y avait une expérience qui était faite, je crois, dans les élevages de fourrure pour mesurer le besoin pour les bisons de boire, je ne sais plus quoi, enfin, en tout cas, il fallait qu'ils passent dans l'eau, je crois, pour aller dans un truc, une expérience comme ça, un peu dans alors, ensuite, on présente d'autres types d'élevage. Ça, c'est un élevage plein air, même si c'est mieux, mais elles sont quand même nombreuses. Enfin, on fait un peu l'inventaire avec les enfants de pourquoi c'est mieux et pourquoi c'est idéal. On voit rapidement qu'il n'y a pas d'arbres, elles ne peuvent pas se percher dans les arbres, ou elles ne peuvent pas se sentir à l'abri lorsqu'elles sont à l'extérieur. C'est-à-dire que le seul moyen pour elles d'être en sécurité, c'est de revenir dans les bâtiments. Donc souvent, elles ont beau avoir beaucoup de terrain, elles ne vont jamais jusqu'au bout si le terrain n'est pas couvert. Elles ne profitent pas de tout l'espace qu'elles ont parce qu'elles ont besoin d'avoir un lieu comme ça de sécurité dont elles ne s'éloignent pas trop. On peut remédier en mettant des arbres, ce qui est le cas dans les élevages dans le pays des Cherches de la Belle Rouge, où là les terrains sont plantés d'arbres. Alors la PMF roule beaucoup pour le bio et la Belle Rouge, ça vous savez, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la présentation. Mais alors attends, la Belle Rouge, c'est-à-dire que pour qu'elle soit en plein air, il faut qu'il y ait marqué la Belle Rouge plus. Le label rouge, c'est forcément plein air. Ah d'accord, bon, je ne savais pas. Mais il y a des critères de bien-être supplémentaires dans le label rouge. Plein air, c'est un peu ambigu, hein. Enfin, je vous connais, je ne sais pas. Mais... plein air, ils ne sont pas toujours dehors, il y a le bâtiment. Dans le bâtiment, les normes sont quand même très très denses. Donc, j'ai vu des poules élevées en plein air, c'est-à-dire que j'ai vu le bâtiment dans lequel elles étaient enfermées, parce que c'était en fin d'après-midi, c'était horrible, quoi. Enfin, ça m'a fait le même effet, je pense que j'avais des poules en batterie, quoi. Je suis resté choqué. C'est très très, ils sont très très serrés. Ça puait, je ne sais pas si ça la dérange, mais je peux imaginer que oui. Et puis on m'a dit, de toute façon, il ne faut pas rentrer dedans, t'approches pas trop de la porte. Ils avaient juste ouvert la porte, mais il fallait rester un peu loin, il y avait un escalier pour rentrer. Parce qu'ils disent, de toute façon, quand on y va pas tout seul. Si quelqu'un tombe, elles sont tellement agressives que tu peux mourir parce qu'elles vont te sauter dessus. Ce qu'a dit le peur. J'avais vu ça, hein. C'était un bâtiment, il faut perdre de vue. Et là, il était fermé parce que c'était le soir. Je ne sais pas comment elle rentre. comment elle rentre toute seule, ou chacun ouais, des chiens. On m'avait dit qu'il y avait des chiens pour les faire rentrer. Bon, après, c'est l'habitude, puis c'est là où elles mangent, alors c'est elles ont faim. Et l'espace extérieur, c'est quoi ? Voilà, qui rentre pas nuit parce qu'elles ont peur. Voilà. Je crois qu'au début, les premiers jours, on dormait un chien qui leur apprend à rentrer aussi. Et l'espace extérieur, c'était là, je me souviens plus trop. C'était pas comme ça. Hein. C'était... Il n'y avait pas autant de gazon que sur la précédente non plus. Ouais. Ça ressemblait plutôt à un peu de l'herbe. C'est... Enfin, que j'en mange au jardin, c'est... ça pousse pas, c'était de la terre, un peu de... d'herbe séchée, je crois. Des arbres ? Non, non, pas là. Et en dehors de ça, vous disiez que le label rouge est plus, est mieux à certains niveaux. Qu'est-ce que c'est mieux que le bio niveau certains, à certains critères ? Quelle serait la bio, c'est au niveau de l'alimentation, peut-être, on ne fait pas la nourriture des graines bio, c'est au niveau de ce qu'on refait la bouffée, des poules, qu'il pourrait y avoir un truc moins bien dans le label rouge ? Ou est-ce que le label rouge est forcément mieux que le bio dans le domaine des œufs ? Bah, le problème, c'est que dans le domaine des œufs, des poules, l'ensemble des œufs. Ouais. Du bien-être. Dans le domaine du bien-être, est-ce que le label rouge est vraiment mieux à tous les niveaux, ou est-ce qu'il y a des points positifs et des points négatifs comparés au bio ? C'est un peu barrière. Le label rouge. En tout cas, pour les œufs. Ouais. Nous, on préconise plutôt le label rouge. Mais maintenant, le bio, c'est différent, parce qu'il y a plein air, mais plein air, c'est pas forcément bio, c'est encore un autre cahier des charges avec. Et on peut les trouver sur Internet, les critères de la belle rouge ? Oui, il y a un cahier précis qui a été fait par la PNL. C'est en fin de présentation. Ouais. Il y a, en fait, sur le site de la PNLF, il y a une sorte d'étude des différentes. Enfin, en fait, de la filière du bio et de la filière la belle rouge. Enfin, du bio et du label rouge pour différents types de filières, pour les dindes, pour les porcs, pour les canards, etc. Avec les points positifs de chaque type de label en termes de bien-être animal et aussi les améliorations futures à ça s'entoure sur le site. Un truc qu'il y a dans le label rouge qui est important, c'est la limitation du transport des animaux pour l'abattoir ou pour le transport d'aliments de 6 heures, qui n'existe pas dans le bio. Il y a des petites variations du bio et non, c'est déjà un congé bio, c'est qu'il y a un oasis très proche. Par exemple, ça c'est une différence importante. C'est que le bio, ça c'est de la durée. Des fois, il y a des petits bio en bio. Il y a des cochons, des cochons, je pense qu'on peut élever un cochon sur le cahier d'outils agricoles. Après, on a une sorte de visuel qui récapitule un peu ce qu'on a vu avec la globe. L'élevage standard, confinement cage, piquage, que ce soit sur les lieux naturels. L'élevage bio, la belle rouge, accès au plein air, direct vers choix, en milieu naturel, de paille, etc. Même si ça est encore fin. C'est évidemment très très technique. Mais en tout cas, là ça induit des choix de consommation qui sont évidents. Je passe sur les filières. C'est une présentation qu'on va intégrer donc dans une autre section, enfin dans une section donc on a appelé l'humanité avec l'humanité, qui a été donc conçue pour l'enseignement de l'SVT en 6e, où il y a une partie sur les pratiques agricoles, en fait en biologie. Dans le cadre de l'étude des organismes vivants. Il y a une section des programmes qui demande d'étudier des cas concrets d'élevage en insistant sur les limites de la pratique, en termes de pollution des sols par exemple, enfin en termes environnementaux, mais aussi en termes de bien-être animal. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le programme d'éducation civique en 3e. Cette présentation-là dont on a fait un petit survol, elle est pensée pour ces niveaux-là, SVT 6e et éducation civique. Il y a des collèges qui nous ont ouvert les portes ? Alors pas encore, parce que tout ça est très neuf. Hein, là, tu vois, la rubrique n'est même pas en ligne encore. Hein. Cette rubrique sera disponible très, très prochainement. Donc, pour l'instant, je l'ai juste testé avec des 8-9 ans. Et on va commencer à communiquer sur ce site et sur ce qu'il contient à la rentrée là. Donc là, après on verra si on a des... Soit, dans l'idéal, on fera nous-mêmes des interventions en classe. Peut-être que même à terme, dans 3-4 ans, l'idéal sans doute est d'arriver à une sorte de réseau d'intervenants PMF qui pourront aller dans les écoles. Sera en ligne et répondra à tous les différents aspects des programmes. On commencera à approcher l'institution en tant qu'institution pour essayer de nouer des partenariats. D'abord, il faudra aussi qu'on obtienne une sorte d'agrément éducation nationale de manière dans les établissements. En tout cas, intervenir beaucoup plus facilement. Ça sera impossible, ça sera de la responsabilité de l'enseignant. Je suis pas sûr parce qu'on a un discours qui passe, à mon avis, qui passe quoi. Maintenant, il y a un discours déjà environnement partout. En fait, ce qu'on veut montrer. Je veux dire sensibilisation complète. Ouais. Ce qu'on veut montrer avec ce site, avec ce boulot, c'est qu'on est en train de faire le boulot que l'éducation nationale devrait faire. Que ce boulot-là, il devrait le faire. C'est pour ça qu'on cherche vraiment à être proche des programmes, à avoir un discours avec un jargon qui est le jargon des profs et de l'institution, de manière à ce qu'ils aient l'impression qu'ils disent mais ça, on devrait le faire. Ça marche à comme la brochure pour la gendarmerie nationale. Ouais. C'est vraiment un jargon éducatif. Oui, c'est. C'est chargé. Ouais, c'est un peu mon profil. Tu imagines que c'est perceptible. C'est sûr que ça va faire au prof. Ouais, c'est très pédagogique. Je ne suis pas sûr que ce soit très pédagogique. En tout cas, c'est très dans la philosophie de la pédagogie que eux, ils ont. Ouais. Celui-là, oui, là, papa, après, il y a des... Je passe sur différentes filières. Il y a des aspects environnementaux sur le mauvais rapport de conversion énergétique entre le fait de donner des céréales à manger à des animaux d'élevage qu'on va consommer ensuite, hein, qui loin de multiplier, de rendre plus de nourriture disponible pour l'humanité en fait, à l'effet inverse. Là, on touche plutôt à des aspects soit de faim dans le monde, soit de la déforestation par exemple. Hein, c'est le cas. Et là, c'est pour inciter le message, c'est de manger moins de viande. Là, c'est le message. Le message sous-jacent, c'est on mange moins de viande. Deux personnes. Non, l'argument pur, c'est pour un des arguments du végétarisme. C'est pas. Ouais, mais la PMF ne méconnise pas le végétarisme. Non, mais c'est pour ça que ça méconnaît le. On vous le déguisez en argument pour manger moins de viande. Ouais, on peut voir ça comme ça, et en même temps, l'argument manger moins de viande, il a pas besoin d'être. Enfin, c'est pas forcément un déguisement d'autre chose, il tire debout tout seul, enfin, clairement. Enfin, la plupart des spécialistes s'accordent pour dire que le niveau de consommation carnée qu'on a atteint n'est absolument pas viable sur le long terme. Je crois que c'est l'équivalent de 4 terrains de football qui disparaissent toutes les 15 secondes, par exemple, dans la forêt amazonienne, pour planter du soja ou pour faire des pâturages pour les bovins, pour l'alimentation des animaux d'élevage en France en soja, c'est du soja brésilien, donc c'est complètement connecté, hein. c'est pas du tout une entrée un peu biaise dans le problème. Soja contre la vie, qui était lancé cette année, donc qui est complètement dans cette mouvance. Il y a la question de la consommation d'eau, qui est un... Je ne connais pas encore très bien tout ça, mais c'est clairement un problème d'après ce que j'ai pu en dire. De la pollution. Bon, là, les 8-9 ans auprès desquels j'étais intervenu, en fait, mon intervention prenait place dans le cadre d'une semaine d'animation sur le thème du développement durable. Quand je suis rentré dans leur salle, ils avaient le kit d'exposition là, de Yann Arthus 4 ans, avec les 20 photos sur le développement durable. Donc, l'intervention PMF est rentrée dans ce cadre-là. Voilà, donc, la consommation de viande a explosé, 500% en un siècle, blablabla. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les alternatives, donc manger moins de viande, favoriser effectivement la consommation de céréales, fruits et légumes. Vous avez remarqué que j'ai choisi une photo beaucoup plus sexy, fruits et légumes. Fruits et viande. C'est une photo beaucoup plus sexy. Ça c'est alors voilà l'impact que chacun va avoir individuellement sur la vie des animaux qui vont être concernés par nos choix de consommation en une vie à peu près. Ça va, pour ceux qui mangent la viande, évidemment, nous, je ne vais pas utiliser le pluriel ici, mais ça va concerner nos 1000 poulets, à peu près une cinquantaine de dindes, une quarantaine de moutons, une trentaine de cochons, 4 bœufs. Je crois que ça c'est des poules, mais je plus de chiffres, excusez-moi. 35, 30. Ouais, mais je croyais que c'était à peu près l'équivalent de... C'est même plus que ça, en fait. C'est même plus que ça, parce que c'est à peu près une poule pondeuse par personne. Et par an. Et par an. Entre une et demie. Donc, ouais, ça ferait plutôt l'ordre de... Entre une et demie, ça ferait 50-60. Après, ça, 50-60 c'est... poules. Chacun dans notre vie, c'est 50-60. C'est la moyenne pour les Français, ça, c'est ça? Ouais, enfin... C'est pas la moyenne dans le monde, enfin... C'est dans le monde occidental. Ouais, parce que les consommations, elles diffèrent d'un pays à l'autre. La vie d'une vache, laitière, tout le lait d'une vache tiers, durant celle. Et après, donc, rappel, voilà, une vache extraordinaire, une vache extensive, celui d'avant, pas Paglob. Est-ce qu'on peut reconnaître les produits dans les supermarchés qui sont plutôt Glob? Le dossier de la PMAF sur les signes de qualité dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on trouve sur le site internet. Hein. Ça se termine comme ça. Voilà cette présentation-là. Alors, j'ai pas eu le temps d'expérimenter, mais on a un autre outil qui s'appelle le Qu'est-ce qu'on pense. Je vous parlais peut-être de celui-là avant. Ça, c'est un documentaire qui a été réalisé par l'ASAB. ASAB, c'est Association for the Study of Animal Behavior. C'est lié d'une certaine manière à l'Université de Manchester. Ce sont des scientifiques donc, qui ont réalisé la plupart des expériences qu'on a vu dans le diaporama avec la poule, par exemple, qui fait le parcours, ce genre de choses. Et ils ont édité un DVD qui s'appelle Stimulus Response, qui correspond pour nous en France à la section du programme de biologie, vous vous souvenez, dans laquelle on dissèque des grenouilles. On étudie le système nerveux, par exemple, on met des électrodes sur la tête de la grenouille et on voit comment elle bouge ses pattes. Donc pour remplacer ce type d'expérience, on va traduire en français ce film donc qui montre, je vais vous montrer le début du film. Bon, c'est en version anglaise, mais vous allez voir que c'est très très violent, hein, c'est très technique. Simple reflex, an automatic reaction. Man touches something hot, hand withdraws instantly. Movement resulting from a rapid automatic sequence of signals passed by the nerves. No thought was involved. This chicken, panting to cool itself, also responds to heat by reflex action. It didn't have to learn how to pant. Again, no thought is involved. Response is automatic. A reflex. But simple though reflex actions appear, they involve five separate steps. The first is a change in the environment called a stimulus, which triggers a response. In these examples, that stimulus was heat. The second step is the detection of a stimulus by receptors, in this case, sensory nerve endings in the skin. Step three is coordination or processing. In this example, sensory neurons pass a message or impulse to an intermediate neuron in the spinal cord, which processes it and generates an outgoing impulse. This travels rapidly along a motor neuron to a muscle. In step four, this muscle, known as an effector, responds to the stimulus. This response is the fifth and final step in the chain. Of course, people can also respond in more complex ways to stimuli. Like the chicken, this woman feels hot, but she's learned by experience how to cool the woman. In using this information, she demonstrates a learned reaction, not a reflex. Scientists often define learning as a change in behavior resulting from experience of similar situations. A learned reaction follows the same basic steps as a reflex. It starts with stimulus and receptor and ends with effector and response. But the coordination, the processing in between, is more complex, with the result that individuals respond differently. A reflex response to a stimulus, like this sudden noise, is normally the same in all members of a species, and similar in most species. But most learned responses are the result of signals being processed in the brain. And there they can take any one of literally billions of different routes. Let's see one of the simplest. We start at a relay center which sends a signal to a thinking, decision-making area of the brain. A decision is made. The outgoing impulse passes through the motor control center, down the spinal cord, and connects with a motor neuron and effector organ as before. But it took a human to process this learned reaction. Hens, by contrast, are only bird brains. Surely they can't learn or think. Or can they? Now here's another uncool customer dealing with excess heat. Is this simply a reflex response? In fact, this hen's been taught to peck a switch when she feels too hot, which turns off a heater. This involved learning from experience and the use of some very complex parts of the brain, so this isn't a reflex. Like the woman, the hen demonstrates a learned response. Animals, as well as humans, are capable of using their brains and reacting in a considered way to changes in their environment. The extent of their learning and intelligence is much greater than was realized 50 years ago, when these intensive rearing systems, now widely used in food production, were first devised. The ancestors of our farm animals led active and complex lives in natural habitats in which learning from experience was essential to survival. Are they content in today's systems which allow them little to do other than eat and sleep? In recent years, animal behavior scientists have devised ways of asking animals such questions to discover what goes on in animals' minds and what they think and need for a satisfactory life. The scientists have looked for answers in the stimulus response chain. By studying animals' responses to stimuli, and with ever-increasing coordination of brain, scientists now know that farm animals can learn, remember, reason and predict in quite remarkable ways. Their minds and consequently their needs are very much more complex than previously realized. Still not convinced these aren't just dumb animals? Then let's do what the scientists did and ask the animals themselves just what they think and how they think. To do so, we too must track them through each step of the stimulus response chain. You see how heat can stimulate a response. Voilà, vous avez vu, alors ça va être super, c'est vraiment ils abordent vraiment des éléments du programme. Je vais juste vous montrer. voulais rappeler, en classe de 3e, voilà. L'enseignement des sciences de la vie et de la terre à bord. C'est ça, je crois que j'avais des effets de la fausse sceptique qui arrivait juste ici. Je crois que c'était toi, et je ne sais pas dire. J'ai attendu que ce soit vraiment fort pour dire quelque chose. C'est celui qui dépliait. Donc blablabla, aborde les fondements du raisonnement scientifique en insistant sur l'importance de la méthode expérimentale. La section D des programmes nationaux consacrés à l'activité nerveuse traite de la manière dont un organisme est affecté par les variations dans son environnement. Alors là, c'est génial parce que l'organisme en question, enfin les organismes en question vont être des animaux de ferme pris dans des conditions d'élevage intensif, ce qui va être aussi l'occasion de, pour les élèves de SVT de découvrir ces conditions d'élevage et implicitement de passer un discours sur leur capacité émotionnelle et intellectuelle. Alors, l'autre outil qu'on n'a pas encore testé, c'est le casse tampon qui est à utiliser autant en cours d'éducation civique qu'en cours de langue, parce qu'il existe en différentes versions, en allemand, en espagnol et en anglais. C'est une espèce de quiz qui permet de lancer un débat en classe. Alors il y a 9 questions, dont 7 portent quand même sur des aspects relatifs au bien-être animal. Il y a quelques questions qui élargissent un petit peu plus, comme ici la première. Les baleines sont un groupe d'espèces menacées. Elles sont tuées pour la commercialisation de viande et d'huile. Et là, l'élève peut choisir, enfin peut cocher trois réponses possibles. Ils sont notés à la fin. C'est intéressant. Il y a des réponses qui sont pas mal. Hein. Je ne sais plus à propos de. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut être d'accord avec plusieurs propositions. Tout à fait. Ils ne sont pas obligés d'en choisir une. Ils peuvent. Ce qu'on leur demande, c'est de cocher ce avec quoi ils sont d'accord. Et après, ils vont devoir, face à la classe, argumenter et ils vont confronter leurs différentes positions. Par exemple, pour la 2, la plupart des œufs vendus en France sont pondus par des poules vivant en cage de batterie. En Europe, les cages de batterie seront interdites à partir de 2012, donc ça, il faut qu'on change parce que c'est pas tout à fait. Ça sera assisté. Alors, A, je pense que les poules doivent pouvoir vivre librement. Aucun animal ne devrait passer sa vie dans une cage. B. La concentration d'animaux dans les fermes industrielles cause une grande pollution. Je pense que de plus petits élevages permettraient de réduire la pollution des sols. Je suis d'accord avec ça. C. Les œufs de batterie coûtent moins cher. Je pense qu'il est normal que les gens pauvres ne puissent pas payer pour le confort des poules. C'est pas une mauvaise réponse. Et après, à un moment donné, on va leur demander de faire un arbitrage. Il va falloir qu'ils en choisissent qu'une, quoi. Celle qui est pour eux la plus importante. Et il va falloir qu'ils l'argumentent. Ça, pour les profs de langue, surtout en lycée, c'est génial parce que les cours de langue sont fondés presque essentiellement sur l'utilisation comme ça de documents externes, soit papier, soit vidéo, et presque plus sur l'étude de texte, et uniquement donc des documents qui sont utilisés comme des prétextes pour susciter un débat. Ça peut susciter des débats assez forts et qui peuvent potentiellement être même long, dans certaines parties du monde, les hommes mangent les chats et les chiens, ces animaux sont souvent élevés et abattus dans des conditions brutales. Ah, les chats et les chiens sont nos amis, ils ne peuvent pas être tués, je pense que ces animaux affectés doivent pouvoir vivre une vie longue et heureuse. Donc il y a des questions qui abordent comme ça des aspects de relativisme culturel, enfin de tout ça. J'ai vu passer des différences. Certains animaux sauvages comme les visons, les renards, les renards sont élevés pour leur fourrure. Vivre sur des fermes dans des petites cages avec lesquelles on tourne sans fin. Voilà, tu vois, c'est ça. Là, pour le coup, les aspects environnementaux, là, c'est. Ouais. Là, pour le coup, c'est complètement un guet-apens. Hein. C'est, c'est complètement pour que ce soit... J'ai pas compris. Bah, c'est pour que... C'est pour que le questionnaire soit pas réduit uniquement à des questions de... à des questions qui sont parfois de l'ordre, pas seulement du bien-être animal, mais même de l'ordre du droit des animaux. Mmh. Donc, il y a aussi des questions qui... C'est une question sur les quoi c'est de viande en orange. Mmh. Ah. Donc ça, je ne sais pas du tout ce que ça donne, ce que ça va donner. Et s'il y a des profs de langue, je pense à des profs d'espagnol, par exemple, qui veulent essayer ça avec leurs élèves. Je n'ai pas compris le rapport avec les langues. Non, j'ai plus de boulot. C'est pas définitif. Ça va être au chômage. Pourquoi effectivement faire ça dans des cours de langue? Bah parce que c'est hyper facile à faire passer. Cours de lycée. Justement, en faisant ça comme un exercice de langue. Parce qu'il a été traduit dans les 4 langues principales. Tu fais ce que tu veux en cours de langue. Plus, c'est un exercice en construction des phrases. Tu insistes sur le vocabulaire. C'est un exercice où forcément les doigts vont se lever. Enfin, ils vont tous avoir un truc à dire. Mais c'est pas un truc compliqué, donc il y a moyen effectivement de pratiquer. C'est quelque chose qui leur fait énormément. C'est plus rigolo comme commentaire. Bien entendu, bien entendu. Et on peut aussi étudier le. La préoccupation forte, en tout cas plus forte dans les pays anglo-saxons que chez nous, comme un trait de civilisation. On a une section spécialement pour l'enseignement de l'anglais, voilà, animal.fr, avec, ça vous connaissez, donc, The Matrix, un film qui a été fait par Sylvie Barbeau qui s'appelle Four Animals and Us, Feeding the World. Je ne sais pas s'il a été viré, il y a un S en trop. Feeding the world without cruelty to animals. Ça, c'est un peu l'origine de notre section Nourrir l'humanité avec humanité. L'opposition au foie gras aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons qui devient un phénomène de société, on peut tout à fait étudier en cours de langue, par exemple, sur la base d'un texte, d'une vidéo. En rentre ici. De Stop Gavage. Home of the famous fat liver delicacy, the southwest of France is a land of tradition and generous typical French cuisine. Voilà, par exemple. Mais non. Il y a aussi des articles. C'est ta voix. Ouais. Des articles. Donc, les articles se présentent. Donc, sont des articles de journaux en général. Il y en a sur différents sujets. Là, c'est sur la grippe aviaire, par exemple. Donc, c'est des textes qui sont assez courts. Avec des mots de vocabulaire peut-être un peu difficiles qui sont soulignés, qui sont indiqués avec une rubrique vocabulaire. Il y a la source d'origine du texte sur Internet, souvent sur les articles de journaux, et des citations pour lancer un débat en classe. Ouais. Dans les programmes de langue, maintenant, c'est de plus en plus de la réflexion. Avant c'était plutôt c'était assez historique, tu vois, mais maintenant t'as plein de pièges de ce style. Ouais, c'est ce que Florence me disait. Tout à fait. Jusqu'en terminale, à partir de la seconde, la seconde terminale. C'est toi qui as tout fait, ou c'est un travail d'équipe? Non, pas tout. Là pour le coup, c'est un travail, c'est même le travail d'une stagiaire, la Déborah, qu'on a eu, stagiaire en. En LEA, en langue étrangère appliquée, qui a fait, enfin en tout cas pour les textes, qui a fait cette sélection de textes. Il y a un texte d'Henri Spira, par exemple. Je vous invite à aller voir ça sur le site. Depuis la semaine dernière, il y a un texte de Jane Goodall, par exemple, qui parle des nombres de pages. Ça, c'est assez génial, parce que c'est quelqu'un qui a qu'il y a une espèce d'autorité que personne ne conteste dans le domaine des animaux. Elle a été nommée en 2002 messager pour la paix par les Nations Unies. Et c'est un texte dans lequel elle parle des élevages intensifs. Elle raconte que quand elle a lu en 1970 l'Animal Liberation de Peter Singer, ça a changé sa vie. Elle ne pouvait plus regarder une assiette de viande sans y voir un résumé de souffrance, de frustration, de peur et de mort, et qu'elle n'a jamais plus mangé un morceau de viande depuis. C'est le pain, tu vois. Voilà, c'est Jane Goodall qui dit ça. Quand j'ai dit, elle est sur le site. C'est Jane Goodall. Ouais. Mais ça, c'est un site d'éducation qui va être traduit par les autres langues, c'est un peu. Oui, ça va rester français. Ouais. Eux, ils ont déjà leur site qui est plutôt. Qui donne en fait des ressources brutes. En fait, ils mettent à disposition leur dossier, leur dossier technique, leur brochure et leur film. Ils n'ont pas intégré comme ça dans les programmes. Ce qui se comprend là-bas, dans la mesure où il n'y a pas cette emprise des programmes comme ça, sur les établissements. Les établissements sont beaucoup plus libres en fait dans la définition de leur propre politique éducative. C'est une réalité différente avec laquelle il faut qu'on compose nous ici. Petit avec le sourire. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi ça crée des emplois? Ben voilà, encore nouveau. Ah si, peut-être facile. Ouais, si vous avez encore un peu d'énergie et d'écoute. La partie pour les lycées agricoles, en fait, c'est la première intervention que j'ai été amené à faire pour un lycée agricole. Il y a eu un coup de fil à la PMAF, un jour j'étais absent, mais Dominique, c'est bon, il y a une école qui a appelé, il y a une intervention. Ouais, c'est quoi? C'est un CM1, j'adore les CM1, maintenant c'est un lycée agricole, c'est 80 éleveurs. Tu étais avec l'armure. Donc, mon armure, c'était Sébastien Arsac, mon armure, en l'occurrence. Je suis bien content qu'il soit là. Donc, on a fait un truc à deux. On a fait un truc sur le thème. Bien-être animal, quels enjeux pour l'agriculture? L'idée, c'était un peu de pas être sur leur terrain de la connaissance et de la relation familière, quotidienne, aux animaux d'élevage, mais plutôt évoquer un peu des aspects de scientifiques et réglementaires liés au bien-être animal. Comment est-ce que les règlements européens en matière de bien-être animal sont pris, sur quelle base scientifique, quels sont les circuits par lesquels ça passe, comment est-ce que ça fonctionne, et aussi à quel point cette réglementation que les éleveurs sans doute, que le monde agricole perçoit comme arrivant de manière un petit peu verticale d'une autorité, à quel point cette préoccupation pour le bien-être animal est ou non l'expression d'une véritable préoccupation dans la population et dans l'opinion. C'est beaucoup basé sur l'enquête de l'Eurobaromètre, sur les pratiques de consommation. Peut-être que je peux vous en montrer quelques éléments. Là, j'y arrive. Donc ça, c'est les 5 libertés. Aspect grave. Le protocole sur la protection des animaux, traité d'Amsterdam. On leur a donné quelques exemples de directives. En insistant sur le fait que les directives sont prises sur la base de rapports avec celui dont a parlé Antoine hier, réalisés à la demande de la Commission européenne par le comité scientifique et vétérinaire. Donc, exemple de directives, blablabla, l'eau, les profondeurs, blablabla, le transport, blablabla, l'abattage, blablabla. L'image au sein de l'abattage est vide. Pédagogie sociale, non seulement en France, par exemple avec les sondages dont Antoine a parlé hier, mais aussi l'Eurobaromètre, qui est une étude qui a eu lieu, qui s'est déroulée en 2005, sur 25 000 personnes. C'est vraiment un sondage qui fait autorité sur les attitudes des consommateurs envers le bien-être des animaux d'élevage. Donc, 25 000 personnes, c'est 1000 personnes par pays de l'Union. Et parmi les enseignements qu'on en tire, 55% des Européens estiment que l'importance accordée aux bêtes d'élevage par la politique de leur pays est insuffisante. Dans ce que tu as montré, il n'y avait pas les Français, n'ont pas été interrogés. Si. Ah bon ? Si, si. Ouais, ouais. Oui, parce que bizarrement, il y en avait qui étaient grisés et la France n'était pas grisée. Ouais, en fait. C'est les fuseaux. Ça, ce sont tous les pays qui ont été interrogés. Alors peut-être que je change de visuel. Ah bon. On a l'impression que ce sont les pays. Ouais, ouais, non, mais tu as raison, je comprends. Ouais. Ça, c'est en fait un graphique. La Suisse est blanche. C'est un graphique qui correspond à une des questions, à la répartition des réponses dans l'Europe par rapport à une des questions qui a été posée. Je ne sais plus laquelle. Là, c'est plutôt que j'ai mis l'Europe. Alors, donc, il y a ces deux personnages qui sont intercalés. Qui viennent régulièrement dans le cadre de la présentation exprimer un peu des a priori que vous pouvez avoir sur c'était un peu une manière de désamorcer les réactions que eux pouvaient avoir, enfin en tout cas de manière à rebondir dessus sans qu'ils aient besoin de le dire, surtout que c'est à chaque fois des trucs qui vont être cassés par les résultats. Là en l'occurrence, les résultats montrent que donc la moyenne est de 55%. Ceux qui ont été plus mécontents de la politique de leur gouvernement en matière de bien-être animal, ça n'a absolument pas les pays du Nord, d'ailleurs c'est assez logique que les pays du Nord soient assez satisfaits. Grèce, 73% de mécontents. République tchèque, Slovénie, 65%. Vous voyez, c'est pas les clients habituels, c'est pas la Finlande, etc. Enfin. Et la France, troisième position, 64% de mécontents en France par la politique de leur gouvernement en matière de bien-être animal. 56% des Européens déclarent que le bien-être des poulets de chair est mauvais, voire très mauvais. Là, on prend un exemple. 58% des Européens déclarent que les poules pondeuses sont les animaux dont le bien-être est amélioré en priorité. Effectivement, on peut le penser. Alors, surprise, y compris pour moi, dans les enseignements de l'Eurobaromètre. Alors, c'est un tableau un peu compliqué. L'idée. Voyez. Alors prenons par exemple une couleur, par exemple le blanc. Le blanc, c'est les gens qui seraient prêts à payer plus, enfin à payer des produits plus chers qui intègrent le bien-être animal. En rouge, c'est ceux qui pensent au bien-être des animaux lorsqu'ils sont en train de faire leur course. Et donc il y a trois colonnes, 0, 1 à 3, plus de 3. 0, c'est ceux qui ne sont jamais allés dans une ferme. 1 à 3, ceux qui sont allés de 1 à 3 fois dans une ferme, et ceux qui sont allés de 3 fois dans une ferme. Il suffit, pour le coup, et ce que les chiffres montrent, il suffit d'aller une fois dans une ferme pour que la préoccupation pour le bien-être animal quand on fait ses courses augmente d'un coup. Donc ce n'est pas des gens qui ne connaissent pas, au contraire, c'est des gens qui connaissent. Donc, le fait d'aller dans une ferme, ça accroît cette préoccupation. Et il suffit d'y être allé une fois, vous voyez que ceux qui vont plus de 3 fois, ça ne change rien. C'est un contact avec le monde de l'élevage. Fait toute la différence. C'est intéressant, ça double, hein. Enfin, le blanc double, le triple. Non, il ne double pas. Non, c'est l'échelle à 50. Ah oui, exact. Page de 30, la page de 35 à 40 000, quelque chose comme ça. D'accord. 43% des Européens pensent qu'on est animal parce qu'ils font leur course. L'idée, en fait, c'est de s'adresser à des futurs éleveurs en leur montrant que. C'est pas une lubie de quelques protecteurs des animaux, qu'il y a vraiment un mouvement d'ensemble global auquel ils ne vont pas échapper. Et la deuxième partie de l'exposé montre des exemples de chaînes de restauration, de magasins, des acteurs de l'industrie de la viande qui utilisent le bien-être animal pour valoriser leurs produits. Moi, je me demande si c'est bien fin finalement ces deux bons hommes dans le bus là, qui sont grotesques. Non, si tu fais pas mal de des gens même à la peur des jeunes. Parce que comme ils vont bien sentir qu'ils sont identifiés à ça, mais en même temps c'est l'image traditionnelle du beauf de l'être perdu, et ça risque finalement pas être une bonne façon de faire passer le message. Oui, ça pouvait même être. S'identifieront pas, t'inquiète pas, maintenant on est pas mal à la campagne, ils sont jeunes, ils ont le pantalon relevé jusqu'au genou et la casquette en l'air. Non mais je pense pas. Justement, on leur renvoie pas, l'intérêt est de leur dire ces gens-là pensent ça et vous, vous n'êtes pas ces gens-là. C'est pas mal ça. Hein, comme... Je pense pas. En fait, c'est une photo, je sais pas si on s'en perçoit, c'est une photo de... Bon, c'est un supporter football, moi je croyais. Ouais, ils sont dans un car, quoi. C'est soit un voyage organisé, donc avec Seb, on a pas senti qu'il percevait ça comme une sorte de... d'ambassadeur du monde de l'élevage, quoi. Ah bon? Non, non. Parce qu'ils vont derrière... C'est stéréotypé. En fait, c'est Yves qui a un problème avec ça. C'est pas vrai. C'est aussi intéressant, bon, c'est aussi sans surprise. Avec les courbes sont absolument parallèles, enfin, suivent vraiment la même progression entre ceux qui pensent au bien-être animal, qui font leur pause, ceux qui seraient d'accord pour payer pour que le prix des œufs soit de 25% supérieur si ces œufs sont issus de poulets élevés en plein air, et ceux qui, dans la réalité, en pratique, véritablement achètent des... C'est un peu compliqué à comprendre par contre. Alors, ouais, tu as en fait trois questions. Pensez-vous au bien-être des animaux d'élevage quand vous faites vos courses. Seriez-vous d'accord pour que... seriez-vous prêt à payer vos œufs 25% de plus si ces œufs proviennent de poulets élevés en plein air, et achetez-vous des œufs de poulets élevés en plein air? Réponse, non, pas du tout. Probablement pas. Oui, probablement. Oui, certainement. En me disant qu'il y a beaucoup d'informations sur un seul... Oui. La question en bas, elle est inutile. Enfin, elle brouille le truc. Tu vois que c'est très tranché en fait, non, ouais. Oui. En gros. Ça veut rien dire. Ça n'a rien à voir. Et puis c'est bizarre de faire ça avec une ligne alors qu'il faudrait que c'est quatre questions, ça sert à rien de faire une ligne. Ouais, il vaudrait mieux des barres graphes. Ouais, juste quatre barres, il n'y a pas besoin de faire une ligne. Parce que la courbe, c'est ça a été fait par le robot, c'est pas nous qui l'avons fait, mais effectivement, ça n'a pas tellement de sens. Enfin, si vous voulez, l'idée générale, c'est que ça dégage une tendance que lorsqu'on est préoccupé par cette question, ça se traduit en termes d'acte d'achat. Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est un sondage. C'est vrai que bon, les chiffres, on connaît tous dans notre entourage des gens qui vont chez Lidl acheter du café. pas équitable, c'est vrai qu'en termes de pratique d'achat, ça se traduit pas. On le connaît même quand on voit des qui s'en lave les mains parce qu'il est saisi. C'est le seul boulot. Et alors, autre enseignement du sondage, 56% des Européens ne savent pas comment identifier les produits prenant en compte le bien-être animal. Après, on évoque différentes expériences qui ont eu lieu de cette association en Angleterre, le label Freedom Feed, la SPA anglaise qui a lancé ça, je crois que c'était en 1994, il y a une douzaine d'années. C'est-à-dire que la SPA anglaise labellise des élevages, et donc labellise des saucisses, des viandes, du poulet, sur la base d'un cahier des charges auquel les éleveurs doivent se conformer, et c'est des trucs qu'on trouve donc en supermarché en Angleterre. Et du coup, la SPCA se permet de faire des trucs mensongers comme ça, vous pouvez vous dire. Oui, c'est pas un nom très bien trouvé. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, les futurs éleveurs, ça leur embouche un coin. Les genres de choses qui se passent de l'autre côté de la Manche. La belle fille de Blue. Ça, c'est la liste de tous les supermarchés qui en vendent. Enfin, je crois que c'est en progression, c'est assez incroyable. C'est vraiment ça. Les œufs, c'est pareil, il y a des Autre exemple, ils ont même une revue. Hein. des conseils pour les barbecues l'été, donc avec du poulet fou, fou. Là à droite, il y a les sauces bolognaises free food, les ready, donc les plats préparés free food qu'on trouve maintenant chez Alain, chez Arrow, chez Harvey Nicole, bref, dans certains restaurants. Le Pont de la Tour, un restaurant à consonance française. Free food. Freedom from. Chaque année, alors la SPA anglaise et CWF aussi, chaque année attribue un prix, un award à la chaîne de supermarché qui a été le plus en faveur du bien-être animal. L'année dernière, c'était Waitrose. Waitrose, c'est la chaîne de supermarché qui ne vend pas de batterie. On peut en trouver dans les réseaux. Et ils ont eu le prix, je crois que c'était pour. Leur performance en matière de bien-être pour les filières cochon, canard, poule pondeuse et poisson d'élevage. Marks et Spencer ont eu le second prix pour le prix de la recherche pour le développement d'une race de poulet à croissance plus lente. Ce sont des. C'est la grande distribution qui investit non seulement dans le bien-être animal par une forme de labellisation, mais aussi dans le cadre de la recherche. Alors c'est quelque chose qu'ils mettent bien en avant sur leur site internet, par exemple, Waitrose, donc ils ont reçu le prix. On le trouve aussi dans les supermarchés, là-bas, quand vous entrez dans vous imaginez, vous entrez dans un supermarché Leclerc et il y a le panneau, ce super. Votre chaîne de supermarché a reçu le prix SPA 2005, par exemple, le prix Fondation Barbeau, le prix PMR 2005. On comprend le principe au bout d'un moment que eux ils font que se planter là, donc vous allez et on va aller chez McDonald's pour voir ce qui se passe. Ça c'est là. C'est plus pour l'instant en France en tout cas de l'ordre de la déclaration. Attention, hein, la politique pour le bien-être animal dans le cadre du McDonald's Animal Assurance Programme, ça c'est un programme au niveau européen, consiste à garantir que tous les animaux impliqués dans la réalisation de produits sont traités avec respect durant leur vie et en accord avec les besoins de leur espèce. En tout cas, c'est important de montrer qu'une chaîne de restauration rapide qu'on n'a pas tellement l'habitude d'associer au bien-être animal, loin de là, s'approprie cette préoccupation chez les consommateurs pour sa propre publicité. Alors si on quitte un peu la France, c'est McDonald's Suisse par exemple. McDonald's Suisse, donc on ne trouve pas de batterie. Ils servent que du café issu du commerce équitable, McDonald's Suisse. McDonald's Canada, des engagements qui sont pour le coup assez précis. McDonald's Canada ne soutient pas la pratique du délécage. McDonald's Canada ne soutient pas la pratique privée de nourriture ou les poules pour induire leur nid. Voilà, déclaration d'engagement de McDonald's. En France, il n'y a pas grand-chose. Sur leur site internet, il y a une partie de bien-être animal. Qu'est-ce que c'est le bien-être animal? C'est une définition de bien-être animal. C'est élever les animaux dans des conditions qui prennent en compte leurs besoins naturels en termes d'alimentation et d'hébergement, par exemple. Ça veut dire qu'il y a encore pour les associations de. Enfin, une marge importante pour exercer une pression sur McDonald's France, dans la mesure où quand même ils prennent des engagements, donc c'est-à-dire qu'ils se mettent en situation de risque par rapport à des. Ils se mettent, voilà, sur ces questions-là, ils se mettent en situation de risque. Bon, il y a aussi des engagements qui commencent à voir le jour. En France, c'est les filières qualité Carrefour, par exemple. Par exemple, dans le cas des filières qualité Carrefour, les transports vers les abattoirs est limité à 8 heures. C'est un engagement Carrefour. Auchan également. C'est un engagement qui est dans la loi. Non, pas forcément. Mais c'est un engagement qu'ils n'ont pas trop de difficultés à prendre, dans la mesure où ils ont pas de. En fait, ils ne fonctionnent pas comme les autres chaînes avec les centrales d'achat. C'est chaque supermarché Carrefour qui noue des partenariats avec des éleveurs, des forcément les transports, ils dépassent jamais. Ah, on va mettre des produits locaux. Et on termine avec ouais, on peut écouter ça. Thierry Schweitzer, c'est un éleveur. C'est l'éleveur dont parlait Sébastien hier, qui a fait une démarche d'aller vers la SPA pour définir son cahier des charges, donc avec une association de protection animale, qui est située en Alsace. Et il est cité dans la brochure. Auchan, filière agriculture raisonnée Auchan. Bon, il est tout seul et on trouve ses produits dans un Auchan en Alsace. Et bon, vous voyez que la chaîne entière met cet éleveur-là en avant. La prise en compte du bien-être animal. Le bien-être animal était également une préoccupation essentielle des agriculteurs engagés. Par exemple, en Alsace, un partenaire d'Auchan élève l'ensemble de ses porcs sur des litières de paille. Leurs modes d'élevage ainsi que leur nourriture, soigneusement sélectionnées, sont conformes à un cahier des charges élaboré en partenariat avec la SPA et les associations de consommateurs. Et voilà, rassurons. On voit le par exemple, hein. C'est pas mal foutu ça. Et on termine la présentation avec parole d'éleveur. Oui, la mise bas se fait, enfin en liberté, pas en liberté, mais dans une stalle en tout cas, où la truie est libre de ses mouvements. Là aussi, ça c'est beaucoup de plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une autre façon d'aborder la mise bas. On ne la provoque pas, on laisse faire. Donc, on y passe aussi moins de temps. On intervient plutôt d'une façon un peu plus passive. On observe un peu, on intervient si vraiment il y a besoin d'intervenir. Et bon, c'est quelque chose qui, je crois, vraiment donne aussi du plaisir en tant qu'éleveur. Ça me paraît très important. Non, on ne pratique pas l'ablation d'un cœur. Donc, voilà, la question, moi, la réponse est facile. Pourquoi ? Non, c'est ça ? Ben, parce qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas besoin, parce qu'effectivement, on arrive à faire sans, donc c'est tout. Là aussi, l'ablation de la queue, c'est une réponse à un moment donné. Comment dire ? On ne répond pas forcément au problème. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on en vient presque à dire la queue est une anomalie du cochon, alors que ce n'est pas une anomalie, il est né avec une queue, donc c'est très bien qu'il bagarre. L'anomalie, c'est quand même le système d'élevage à un moment donné qui fait que on ne peut pas. Quoi. Donc c'est une réponse un peu courte qui est de dire allez, j'enlève la queue, comme ça, il ne s'arrange pas. Il faut peut-être chercher un peu plus loin et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les élever d'une façon à ce qu'ils puissent être élevés avec la queue. La castration de porcelets aujourd'hui, alors il ne doit pas y avoir beaucoup de gens dans ce cas-là, mais bon, elle se fait sous anesthésie. Alors la technique elle-même, bon, elle a tout ce qu'elle a de plus barbare, c'est clair. Donc la décrire, la détailler, franchement, ça ne m'amuse vraiment pas. Par contre, elle se fait sous anesthésie. Alors est-ce qu'aujourd'hui c'est une solution? Il me semble que non. Et l'idéal serait bien de pouvoir travailler sans castration, c'est clair. Je crois que de faire une castration sous anesthésie, c'est un pied à aller. Voilà. Le mieux, ça serait de travailler sans castration. C'est quelque chose que personne ne fait, enfin, pas chez nous en tout cas. Donc aujourd'hui, ce que le bien-être animal m'apporte au niveau d'un point de vue économique, on va dire, au niveau de l'exploitation, au niveau de l'élevage, c'est essentiellement, comment dire, c'est pas le bien-être en tant que tel qui va me dire, allez, hey, ça va me donner 50 cents, 1 euro, je ne sais quoi. C'est qu'à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça rejoint vraiment ça, ça me donne une cohérence, une réelle cohérence à un moment donné de projet. Et c'est cette cohérence d'ensemble qui me donne à un moment donné un positionnement économique et une valorisation économique. Mais on ne peut pas sortir un des éléments, si vous voulez. C'est un projet d'ensemble et le bien-être animal est une composante fondamentale de cette cohérence d'ensemble. Et c'est cette cohérence-là qui me donne à un moment donné effectivement une valorisation économique. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, le problème, c'est tout ça, c'est une question d'équilibre en termes d'évolution de société. Moi, en tant qu'éleveur, je ne peux faire aussi ce que la société, à un moment donné, est prête soit à demander, soit à accepter en termes d'élevage. Parce que c'est aussi une activité économique. Il faut que je puisse en vivre. Et à un moment donné, on a souvent, c'est vrai, des contradictions au niveau de la société, entre des demandes d'un côté et une capacité à y aller ou à ne pas y aller. Et donc là, je crois qu'il faut à un moment donné, il y a un mot qui me paraît important, je l'ai utilisé tout à l'heure, en termes d'élevage et d'agriculture, c'est d'avoir une cohérence de projet, mais en termes de société et d'évolution de société, d'avoir une cohérence là aussi, et de projet et de demande. Le mot cohérence me paraît très important. C'est d'assumer ses choix et d'assumer jusqu'au bout et d'être cohérent jusqu'au bout. Ou d'essayer d'être. Ça me paraît fondamental. À partir de là, on peut offrir quelque chose aux consommateurs ou aux citoyens. Ouais, je fais de la politique. J'ai besoin de dire ça. Parce que l'élevage, c'est bien, l'économique, c'est une chose. Après, il faut arriver à trouver des joints entre tout ça. Et parfois, c'est vrai qu'on a. Les gens ne sont pas toujours cohérents. On me demande et je pense que j'ai envie d'insister là-dessus. J'arrête pas d'insister là-dessus en public, quand j'interviens, etc. De dire soyons cohérents et soyons responsables. C'est tout de nos choix. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce dilemme un petit peu entre niveau de vie. On nous dit les gens ont moins de moyens, les gens ne peuvent pas acheter bio, les gens ne peuvent pas acheter de qualité, etc. Mais c'est souvent parce que les choix ne sont pas faits dans ce sens-là. Et la société dans laquelle on vit, c'est nous qui la faisons tous les jours, y compris par nos actes d'achat, par des actes citoyens. Donc c'est là qu'il faut se battre, c'est là qu'il faut. Et puis pas pleurnicher sur notre sort en disant je subis tout. Non, je suis acteur à un moment donné de la société qui m'entoure. Alors, on termine là-dessus. Éleveur qui dit je suis acteur de la société qui m'entoure. Alors l'inévitable, là-bas, c'est le label. Termine là-dessus. Et donc en gros le message c'est que voilà, le bien-être animal c'est un mouvement profond. Le monde politique va vous le demander, les consommateurs vont vous le demander, vos clients, les distributeurs. Vous le créez et les associations de protection animale sont là pour vous tendre la main, pour travailler avec vous. Vous avez vu en Angleterre et tout ça. Et ça aura le coup du diffuseur auprès des éleveurs, alors ça dans les journaux de filière agricole. Non, mais pourquoi pas? La bouche en poisson, elle a été diffusée dans des revues de pêche. Ah oui. Pas la brochure, mais elle a été de la publicité faite par la brochure de poisson dans des revues de pêche. Et aussi dans des journaux, dans des revues de pêche. Il y a des gens qui s'occupent de la revue de pêche, ça peut s'arriver une fois. On consacrait la revue de pêche à la brochure de poisson en carnage. De toute façon, non, oui, voilà. Ça, comment ils avaient pris des brochures, ces enfants? Mais je veux dire, c'est pas possible que des filières professionnelles. Quand on peut faire passer une annonce peut-être dedans, parce que c'est vrai qu'on va. Là, maintenant, ce truc-là, cette présentation, elle fait l'objet d'un CD-ROM, quoi, qui est avec une couverture et tout, enfin, un truc qu'on va proposer. On peut l'avoir, CD-ROM, non? Je peux vous en graver un, ouais. Je ne l'ai pas là. Mais le mieux, c'est que je te renvoie un, peut-être. Si vous êtes intéressé, je vous l'envoie parce qu'il y a quelques petites retouches à faire dessus. Mais j'ai une petite remarque, ça porte sur des trucs précis. À un moment donné, ça parle de bioéthique, je vois bien. Et vous avez fait exprès de mettre bioéthique et pas éthique. C'est pour faire passer auprès des profs ou c'est... Non, c'est parce que c'est clairement mentionné comme ça dans les programmes. Ah oui. Ouais. Oui, c'est ça. Cette section aborde des questions de bioéthique à. Cette section développe des questions de bioéthique à aborder en parallèle avec l'enseignement d'éducation civique. Là, c'était dans Stimulus Réponse, hein, c'est ça? Non, c'est avant, je crois. Je ne sais plus. Ah non, dans Nourrir l'humanité avec l'humanité. Ouais. Ouais. Ce que je me demande, c'est indispensable de mettre bioéthique. Parce que ça fait cette coupure entre la côté éthique des humains et la bioéthique qui est bien d'abord. Ouais. Là, c'est beau pour moi, les. Et puis une question, c'est au tout début, il y avait la présentation de la bibliographie, et on a une bibliographie portant sur le bien-être animal mien, Et puis les bouquins de Singer, tout ça, ils sont plus en anglais, par exemple. Ils sont ouais. Plus en anglais. C'est-à-dire que la traduction française ou les traductions françaises ne sont pas mentionnées. Oui, t'as raison. C'est volontaire ou... Non, du tout. C'est dommage. Ouais. En fait, moi je voulais. Moi je voulais évidemment le mettre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par ne pas le mettre. Et je l'ai soumis à CIWF. Voilà la liste de bibliographie en anglais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont répondu, bah, il manque Animal Liberation. J'ai gardé bien précieusement le mail. Parce que c'est pas facile à faire passer à la PMF, ce genre. Et effectivement, maintenant qu'il est en anglais, il faut qu'il soit en français, ouais, effectivement. Merci pour ce petit levier que je me ferai plaisir d'utiliser. Qu'il passe un mail. Sinon, il y a aussi le petit bouquin de Tetra qui s'en vaut à me faire représenter une partie. Et comme il a 2,30€ pour des profs, je ne sais pas quoi, ça peut être intéressant. C'est pour une classe. Ouais, à mon avis, ça passera pas. Mais même la version française de Peter Singer, ça passe pas. Et il y a aussi. Par exemple, tu vois, Gislain m'a fait retirer un texte de Peter Singer qui s'appelait Factory Farming contre les élevages industriels, qui était vraiment purement un discours PMF. Vraiment, purement un discours PMF. Anti ? J'ai pas compris. Purement ? Un discours PMA, un discours qui correspond vraiment à, mm-hmm. au discours PMA. Juste à un moment donné, il parle de, qu'on peut aussi être vegan, enfin, vraiment comme une espèce de parenthèse. Mm-hmm. Tout. Et on me l'a fait enlever. À cause du nom. À cause du nom, ouais, pas à cause du nom. Alors maintenant, j'ai remplacé par le texte de Jane Goodall où elle dit qu'elle ne mange absolument pas de viande et que depuis qu'elle a lu Animal Liberation de Peter Singer, mais ça passe. Ouais. C'est les gens de la PMF, de la PMF qui ont pas voulu que tu utilises un texte de Peter Singer. Oui, la PMF ne souhaite pas associer au nom de Peter Singer. Parce que personnage controversé, parce que. Ce qui est un peu dommage parce que c'est jouer le jeu des gens qui ont cherché à le salir et tout ça. Ouais, c'est une précaution. Et pourquoi c'est très raison. Il faut des exemples spécifiques. Je ne sais plus dans quel numéro, il y a tout un débat là-dessus, sur sa position, sur l'euthanasie, je crois qu'il y a un débat. Il y a un bon qui sont présents, donc de pouvoir même avoir une info sans aller sur le site. Voilà, les personnes ne sont pas dédiées aussi, donc tu peux l'avoir rapidement là. Je suis pas sûr qu'il ait vu, ouais. Enfin voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui démarre, vous avez vu, hein, c'est un peu. Bon, il y a des choses qui sont un peu abouties, parce qu'on a eu des demandes, donc ça a été un peu lourd. Ça a été. L'occasion de mettre en place des choses rapidement, mais il y a des choses qui sont encore en cours. C'est un peu une responsabilité. Enfin, moi je trouve que c'est une responsabilité. Bon, bref, dans la mesure où on est un peu les premiers à faire ça, je ne suis pas toujours sûr qu'on aille dans la bonne direction. J'ai souvent un peu peur de faire de me planter, quoi. Franchement, de faire des trucs qui n'atteignent pas leur but, qui n'aident pas forcément les animaux, ou peut-être même... Tu ne peux pas le savoir avant d'avoir testé. On ne peut pas savoir quelle sera la réaction de l'institution. Par exemple, si on n'obtient pas l'agrément, s'ils refusent, par exemple, ça risque d'être assez délicat. Mm. Voilà, donc tout ça, c'est un stade vraiment embryonnaire. Je pense que c'est déjà bon de faire quelque chose. Institution, tu veux dire l'éducation nationale. Ouais. Ça passe. C'est vrai que c'est pas du tout. La seule expérience que j'ai eue pour le moment, c'est que je me suis inscrit sur Yahoo à une liste qui s'appelle Entre Écoles, qui a un réseau de 400 profs d'écoles primaires, enfin 400 instituts d'écoles primaires, qui travaillent beaucoup par Internet. Donc ils échangent sur l'expérience, sur les sites avec lesquels ils travaillent. Je me suis inscrit. 10 minutes après, j'ai reçu un email me demandant de présenter au moins quelques mots sur votre identité. Donc j'ai expliqué qui j'étais et ce qu'on faisait. Et le type m'a accueilli à bras ouverts. Il dit bravo, je vais voir votre site, c'est génial, j'en parle dès la rentrée à mes collègues. J'ai mis votre URL dans l'adresse de nos machins. Le matériel pédagogique pour les enfants, il y en a déjà qui est en ligne ou pas? Oui. D'accord. Ah ouais. Tout ce que tu nous as montré, c'est déjà en ligne. En ligne, plus d'autres trucs qui sont en ligne depuis 15 jours. D'accord. Ils ont les profs travaillent énormément sur Internet maintenant, dans tous les domaines. Donc il suffit de faire connaître le site. Oui, tu connais des gens qui bossent dans l'éducation.